c'est pas des tarifs agressifs, là, ouais. Par exemple, à 9h le matin sur tous les clubs de la région. OK. Vous parlez, vous savez un peu comment que ça se passe, les différents clubs de golf. Est-ce qu'il y a quand même une synergie entre les clubs de golf pour s'aider? Parce que, historiquement, il y a toujours une rivalité entre le Saguenay puis le Lac-Saint-Jean, que on s'est fait comme ça. Est-ce que, quand même, dans l'ensemble, il y a une bonne synergie entre tous les clubs de golf? Écoute, je te dirais que c'est plus de clocher, mais c'est pas juste le Saguenay et Lac-Saint-Jean. Je pourrais vous dire que Chicoutimi et Arvida, Chicoutimi et Port-Alfred, Arvida et Port-Alfred. C'est quand même assez généralisé, mais ça, c'est historique. C'est historique non pas seulement dans le golf, dans n'importe quoi. Dans la région de Saguenay et Lac-Saint-Jean, dans n'importe quoi. Alors, je pense qu'on est, on a ce gène-là en tant que Saguenayen ou Janois que de protéger notre territoire. Mais oui, il y a une certaine synergie. En fait, il y a des rencontres qui se font de façon assez régulière entre les présidents, les directeurs généraux de chacun des clubs pour discuter de l'état de la chose, pour essayer d'amener des idées. C'est sûr que c'est difficile. Une fois qu'on est dans la saison, c'est beaucoup de travail en peu de temps. Nous, les saisons de golf chez nous durent quoi? 4-5 mois. On va dire 6 mois pour si on est très, très, très chanceux. Mais en majorité, c'est toujours aux alentours de 4 mois. Puis là, on est dans le pic. Alors, c'est 7 jours sur 7, de 7h le matin à 7-8h le soir. C'est difficile de toujours s'entraider pendant ces périodes-là. Je pense que les clubs font un effort en tant que tel. Mais on est loin de la coupe aux lèvres, comme l'autre. À ce qu'il y ait vraiment des points d'ancrage qui se passent en chacun des clubs, puis qu'il y ait vraiment cette vraie, de façon de s'aider ou de s'entraider, c'est pas évident encore. Ah non, ben c'est sûr, hein. Parce qu'il y a quand même. Moi, j'ai vu ça à travers les branches, M. Aubin, qu'il y a trois terrains de golf qui sont là dans à peu près 30 minutes de route. Et vous savez que c'est très, très difficile, le golf. Donc, j'imagine que ça a un lien, ça, hein? Ah non, c'est clair que ça a un lien. C'est sûr que ça a un lien parce que, la population, on le sait. Le golf, au Québec, c'est pas compliqué. La statistique est très claire, très, très précise. Il y a autant de golfeurs qu'il y en avait il y a 10, 15 et même 20 ans quand les terrains étaient bons. Ah, ouais? Sauf que, il y a autant de golfeurs. Sauf que ces mêmes golfeurs-là, ou cette range de golfeurs-là, jouent moins de parties dans une année. Donc, ça veut dire que le golfeur qui a 20 ans était membre, par exemple, au club de golf de Dolbeau, n'est plus membre au club de golf de Dolbeau. À place, il va jouer 4-5 fois à Dolbeau, 4-5 fois à Saint-Prime, puis 4-5 fois au Lac-Saint-Jean. Puis hop, il va aller essayer une fois ou deux Chicoutimi, Arvida, la baie, puis il va se promener comme ça sans traitement, mais il va jouer moins de fois. Il jouera pas les 50 ou 60 parties qu'il jouait habituellement quand il était au club de golf Dolbeau. Il va jouer peut-être plutôt une trentaine de parties, peut-être une vingtaine. Mais c'est le même golfeur pareil. Donc, on a exactement au Québec le même nombre de golfeurs qu'on avait il y a à peu près 20 ans, mais avec une moindre assiduité à jouer son sport parce qu'il y a aussi beaucoup d'offres autres que le golf. Mais vous dites ça, mais pourquoi, pour quelle raison dans la région, il y en a pas quand même qui sont fermés, mais c'est pas impossible. Pour quelle raison que dans la région de Montréal, il y a plusieurs clubs de golf qui ont fermé? Si il y a autant de golfeurs que l'an passé, est-ce que c'est la raison que vous avez donnée ou il y a d'autres raisons? Ah oui, c'est la fréquentation qui est moindre, ça c'est clair. Comme je dis, il y a autant de golfeurs, moins d'usagers. Golfeur va jouer plutôt que de jouer une cinquantaine de fois ou dire je vais rentrer membre, mais quelque part, ben ils vont jouer juste 20 fois puis ils vont faire du vélo puis ils vont faire autre chose. La population est vieillissante aussi, mais à Montréal, il faut quand même dire qu'à Montréal, il y avait une sur-représentation de clubs de golf. T'sais, à un moment donné, tout le monde voulait son club de golf quasiment dans la cour chez eux, ça a poussé comme des champignons. Chose qui n'est pas arrivée dans la région chez nous, la seule chose qui est arrivée dans la région, c'est qu'il y a des terrains qui avaient des neuf trous. Ils se sont dotés d'un neuf trou supplémentaire pour faire des 18. Je pense à Port-Alfred dans les années 90. Je pense à Saint-Prime un petit peu dans ces eaux-là aussi, quelque part en 90. Sinon, c'est ça. T'sais, on a peut-être un terrain de golf de trop dans la région. Peut-être. Il y en a qui disent ça. Mais moi, je pense que c'est plus de penser à d'aller dans le futur, de voir plus loin. Là où le golf a eu la plus grosse perte, c'est que justement, quand il y avait une surabondance de golfeurs, quand monsieur, madame, tout le monde rentrait membre, puis jouait 50, 60, 70 fois, prenait la place d'à peu près tout ce qui pouvait être possible sur la plage horaire du golf, ben on pensait pas aux jeunes, puis on pensait pas au développement. Vous savez qu'un jeune aujourd'hui qui va jouer au golf, qui va apprendre le golf à l'âge de 12, 13, 14 ans, qui va jouer pendant 3, 4, 5 années, la statistique dit que 72% de ces jeunes-là vont revenir au golf aux alentours de entre 25 et 30 ans. Puis ils vont revenir au golf avec les moyens qu'ils ont, parce que là, ils sont sur le marché du travail, puis là, ils vont avoir le goût de jouer. Puis c'est ce qu'on a négligé, puis énormément, je vous dirais, on est comme 10 ans en retard là, là-dessus. 10 ans sur le développement, l'initiation et le développement des jeunes. On leur a pas fait de place du tout pendant au moins une dizaine d'années. Puis ça, ça fait de ça à peu près 10 ans. Là, on commence tranquillement à reprendre le La région ou le Québec en général? Le Québec en général, la région, ben c'est quasiment catastrophique dans certains cas. Ah ouais? Il y a par contre, mais oui, c'était catastrophique dans certains cas, mais il y a par contre toutes que des mouvements qui se sont faits dans la région par rapport à ça. Puis le plus bel exemple que j'ai, puis vous êtes proche, puis vous me disiez tantôt que vous parlez au club de golf Saint-Prime de façon régulière, ben justement à Saint-Prime, il y a 3-4 ans, ils sont dotés ils ont mis une structure en place justement pour faire de l'initiation pour les jeunes, essentiellement pour les jeunes. Jonathan Lambert est en arrière de ça. Ah, oui. Il y a quelques instructeurs avec lui. Il y a Louis Lapierre qui, lui, là, offre le transport des jeunes de Saint-Félicien-Roberval jusqu'au terrain. Et ça, à tous les jours, si je me trompe pas, là, l'aller-retour, ça, c'est gratuit. Mm. À l'époque où est-ce avant qu'il commence ça, là, il devait avoir à peu près 3-4 jeunes qui jouaient au golf au club de golf de Saint-Prime. Pendant 5 ans, il n'y avait aucun représentant junior dans les tournois du circuit régional. Puis depuis les 3-4 ou 5 dernières années, là, je me souviens plus des quelque chose genre, ben là, on est rendu. Je parlais justement à Jonathan Lambert hier pour le championnat junior régional qui a lieu à Saint-Prime la semaine prochaine. Il me disait, je pense que le chiffre, là, peut-être je me trompe, mais c'est au-dessus de 70 jeunes qui gravitent autour du club de golf Saint-Prime. Puis ça, là, c'est une maudite bonne nouvelle pour eux. Je vous dis pas que ça met de l'argent dans un coffre demain matin, mais quand tu penses à l'avenir, ben c'est comme ça. Il aurait fallu que ça soit fait, ça. Il aurait pas fallu qu'il y ait du rattrapage qui se fasse depuis 10 ans. Là. Il aurait fallu que ça soit de façon continue, qu'il y ait vraiment de la formation, d'initiation de façon continue pour s'assurer d'avoir toujours ce bassin-là, puis essayer d'en retenir au moins un pourcentage intéressant, ou du moins t'assurer que quand tu vas avoir 25-30 ans puis qu'il va revenir à Roberval ou à Saint-Félicien ou ben il va être sur le marché du travail ou peu importe, ben qu'il prenne sa carte de membre puis qu'il joue. OK. Louis, le sport-études, c'est vraiment la mode. Beaucoup, beaucoup de programmes sport-études, le hockey entre autres, je pense que ça se dirige pas mal vers là. Est-ce qu'il pourrait avoir un programme sport-études davantage des associations avec pour le golf? Ben, il y en a un programme qui est à Chicoutimi là, par l'entraîneur régional qui est Jonathan Moreau. Il y a un programme sport-études. Je crois que cette année, il y avait une douzaine de jeunes qui étaient inscrits. Ça, c'est la deuxième année que ça a lieu. Petit à petit, ben il y a des jeunes qui s'intéressent. Okay. C'est difficile de rivaliser contre les sport-études du hockey, par exemple, et ou du basketball, et ou, tu sais, c'est dur parce que le hockey, ça joue maintenant 12 mois par année. Tu sais, moi, quand je jouais au hockey, quand j'étais jeune, puis j'ai joué quand même un calibre assez élevé, ben l'été, on jouait pas au hockey, on jouait au golf, on jouait au baseball. Là, les camps d'entraînement commencent au mois d'août. Donc là, les jeunes qui sont bons, qui ont un talent certain au golf, ben vers le 10, 12, 15 août, ben c'est fini la saison. Ils s'en vont faire les camps d'entraînement de 2A, du double LED, B, whatever, puis on les perd. Fait que là, ils perdent l'intérêt pour le golf, malheureusement. C'est ça que je disais tantôt, il y a quand même une offre qui est assez grande, pas juste au niveau des adultes, avec les véloroutes de ce monde et les plages touristiques. Il y a aussi une autre grosse offre pour les jeunes, que ce soit le hockey, le soccer, le basketball, le peu importe tout ce qui s'appelle, justement, sport-études. C'est sûr que ça n'aide pas le golf, donc il faut être plus agressif dans ce sens-là. Vous dites recrutement. On a parlé beaucoup de recrutement depuis le début de l'entrevue. Quand Eugénie Bouchard a performé il y a 4 ans, beaucoup se sont ont commencé à pratiquer le tennis. Est-ce que ça pourrait être, je sais que vous avez des réunions générales avec tous vos collègues au niveau provincial, et est-ce que les clubs pourraient se mettre ensemble pour aider quelqu'un et aller même sur le circuit de la PGA? Ben, c'est sûr que... Ça aiderait beaucoup. Ben oui, c'est évident que ça aiderait à une image charismatique de quelqu'un qu'on connaît depuis. On a vu là, il y a deux semaines la jeune Céleste Dao, ouais, de Montréal qui joue au club de golf Summer Lee. Elle a 16 ans, elle a gagné championnat, deux ans qu'elle gagne le championnat provincial au Canadien. Elle fait de très belles figures. C'est sûr et certain que quand on va la voir un peu plus, parce que c'est une Québécoise, on en a entendu parler un peu, puis on la voit plus souvent, même à la télé, dans les journaux. Si elle perce au niveau professionnel, puis elle fait sa place un peu, un temps soit peu sur le circuit de la LPGA, c'est sûr que ça va avoir un effet chez les filles. Je suis persuadé, parce que là, le golf va devenir cool. Puis ça, c'est bien important. Mais même chose chez les hommes. Hein? Les tournois de la LPGA sont pas présentés à la télévision. C'est comparativement à la LPGA. C'est pour ça que ça serait l'idéal. Ouais, ils sont présentés quand même sur Golf Channel. Ouais, c'est très, très fréquemment. Ils sont présentés. Tous les tournois sont présentés sur. Les Golf Channel, c'est pas tout le monde qui l'a. C'est pas RDS, c'est pas la TSN, c'est pas Sport. Je suis d'accord avec vous, mais si, par exemple, on entend parler d'elle de façon plus assidue, puis qu'elle performe, ben, à un moment donné, justement, monsieur golfeur du dimanche, puis qu'il y a un enfant qui disait, hey, ben, la petite Dao, j'aimerais ça la voir, ben, peut-être qu'il va souscrire à Golf Channel pour lui permettre de voir les performances qu'elle fait, puis, tu sais, faire rêver les jeunes aussi. Okay. Ben, je comprends que la LPGA, c'est moins, mais mettez le même exemple pour un homme. Tu sais, il y en a plusieurs, là. Écoute, on est, là, je vous dirais, là, d'ici un, deux ou trois ans, là, on va avoir quelqu'un, un Québécois sur la PGA, j'en suis à peu près sûr et certain. Puis ça, là, c'est depuis que le Golf Québec a mis en place un programme vraiment structuré d'initiation, de développement, de compétition et d'élite au niveau de la formation des jeunes. Puis c'est direct dans le target, là. On a des jeunes là, qui ont 16, 17, 18 ans en ce moment, là, et même des 19 ans là, qui performent excessivement bien, qui sont dans des collèges américains. Puis on est vraiment là à quelques années, là, puis je te parle pas de 10 ans, là, je te parle d'un, deux ou trois ans, d'avoir pas juste un Québécois, quelques Québécois sur la piste. OK. Il me reste deux questions, Louis. La première, on a deux gars d'ici de la région qui sont sur le Canadian Pro Tour, Pierre-Alexandre Bédard et Lucas Dupéré. Est-ce qu'il y a un projet pour amener une compétition du Golf Pro Tour dans la région? Ça peut être à Chicoutimi, ça peut être à Jonquière. En fait, le Golf Pro Tour sollicite les terrains où il veut aller, mais il faut qu'il y ait un intérêt plusieurs parties. L'intérêt, premièrement, du club hôte, ça, c'est parce que c'est quand même un terrain qui est fermé pendant une semaine, qui empêche les joueurs, les membres de jouer. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est l'intérêt du circuit lui-même à se déplacer en région pour faire un tel événement. Et la troisième, c'est est-ce que c'est le vœu des joueurs aussi de s'en aller, je ne sais pas moi, à jouer à Saint-Prime pendant une semaine complète à peu près à 800 km du prochain tournoi. Tu sais, il y a tout ça dans le fond. Il y a une logistique en arrière de tout ça, mais ça dépend pas juste d'une personne. Oui, ça pourrait être très bon, même excellent de voir un tournoi semblable parce que ça montre beaucoup de visibilité, pas juste pour la région, mais pour les jeunes qui de la région qui iraient voir ces professionnels-là jouer. C'est sûr que ça pourrait aider, mais regarde, c'est pas évident non plus. Hein. Ça demande des bénévoles. C'est une grosse organisation. On vient de le faire au Club de Golf Chicoutimi cette année, championnat junior. C'est une grosse affaire. Est-ce que ça va, c'était ma dernière question. Est-ce que ça va laisser un héritage, cette compétition-là? Parce qu'originalement, ça devait être à Saint-Prime. Saint-Prime a abandonné pour pas taxer les bénévoles. Mais à la fin, est-ce qu'il va rester quelque chose de ce tournoi-là? Ben, il va rester plusieurs choses. Ben, premièrement, l'équipe qui a été formée pour organiser l'événement, l'équipe de bénévoles qui a été formée pour organiser l'événement, c'est elle aussi organisée pour en retirer un certain bénéfice en allant chercher les commanditaires, en s'assurant que vraiment on soit des hôtes remarquables auprès Parce que c'est pas juste les jeunes qui viennent au club, c'est tous les parents. Si vous aviez été présent à cette compétition-là, tu avais un minimum d'un parent par jeune. Souvent, les deux étaient là avec le plus jeune fils ou la plus jeune fille ou le plus grand, peu importe, mais il y avait du monde en masse. C'est sûr que ces gens-là, ils vont avoir un souvenir. On a réussi à tirer des bénéfices de ça. Golf Québec a vu quelque chose de fantastique parce qu'ils se rendent compte qu'en région, l'organisation est beaucoup plus efficace et beaucoup plus facile que tenir des événements comme ça dans la région de Montréal, par exemple, ou dans la région de d'Outaouais ou dans tout cas, on limite. Et troisième chose, c'est que tous les gens, mais il y a en fait deux autres choses, il y a les gens qui ont parcouru le terrain pendant que les jeunes jouaient, je parle des adultes, qui eux ont se rappellent de la petite Dao, ils se rappellent du démarché, ouais. Ils se rappellent du jeune Duquette, ils se rappellent d'un puis l'autre. Puis un jour, ils vont peut-être dire, hey, moi, je l'ai vu à Chicouti, maintenant, il est dans ma TV, puis il joue, puis il gagne des tournois, où il figure bien. Puis il y a tous les jeunes qui étaient là autour, puis ça, c'était de toute beauté aussi de voir ça, tous les jeunes d'un peu partout dans la région qui sont venus voir, qui sont des golfeurs, qui sont venus voir les jeunes golfeurs, là, pour eux, ce sont en quelque sorte des idoles, mais c'est surtout aussi des gens qui tracent l'avenir du golf, qui tracent leur avenir à eux aussi, parce qu'ils se disent, hey, regarde, si lui est capable de performer, il est rendu à 17 ans, moi j'en ai 12, ben moi je veux me rendre là. OK, OK. Ben Louis Aubin, il faudrait reprendre cette discussion-là, c'était fort intéressant, au plaisir de se reparler. Ça me fait plaisir. Le responsable du golf au niveau régional, Louis Aubin.